J'ai raison. Hein? Bon. Hein? Il fait nuit, voilà, nuit. Hein? Tous les chats sont gris, comme on dit. Bon, alors, je commence par une proposition qui. Ce n'est, mais on peut entendre différemment. Alors, tout au début, je me dois d'évoquer comme problème de fond l'usage d'une terminologie prédéfinie, assumée par tous les membres du mouvement et clairement accessible pour tout le monde. Je m'arrête à chaque proposition pour que vous puissiez la enregistrer dans votre très bonne mémoire, meilleure que la mienne, et y revenir après. Hein. L'intervention sera pas trop longue, et on aura plus de temps à des questions et réponses. Bon. Deuxième point, je propose de choisir la pédagogie comme principe moteur du mouvement. J'ai fait une pause parce que des fois c'est pas assez clair ce que je dis. Voilà. Alors je les relis. Choisir la pédagogie comme principe moteur. Principe moteur, ça évoque un peu les premiers moteurs, mais c'est pas la même chose du tout. Hein. Les premiers moteurs font partie de la philosophie ancienne. Et les principes moteurs peuvent être actuels. Principes moteurs du mouvement dans la relation entre les individus à travers un discours ouvert en permanence. Ça me semble un peu plus facile à entendre, et je le répète, que cette pédagogie concerne exclusivement dans la relation entre les individus à travers un discours ouvert en permanence. Individus en général, parce que ce n'est pas réservé aux membres du mouvement, mais aux relations que nous avons avec les autres. Et en tant que membre du mouvement, je rêve en disant que ça pourrait être une posture permanente. Hein. Et à l'occasion, j'expliquerai qu'est-ce que j'entends par pédagogie, hein, que ce n'est pas la pédanterie ou l'enseignement du haut vers le bas. Voilà, vertical. Alors, troisième proposition, l'autonomie. Celle-là, elle est peut-être un peu plus difficile à coordonner avec les précédentes les propositions. L'autonomie en tant que principe moteur, au même titre que la pédagogie. Dans l'action, qu'elle soit individuelle ou collective. L'autonomie implique, et n'exclut pas, implique la responsabilité, puisque l'autonomie, elle peut avoir lieu seulement dans la responsabilité de l'individu autonome qui agit dans l'autonomie, il prend les initiatives, hein, il fait jouer sa créativité, sa capacité rationnelle et tout le reste. Et en même temps, est collective. Parce que, voilà, ça c'est l'utilité de la base. Bon, ne nous laissons pas trop perturbés par les événements climatiques. Alors, il y a effectivement une difficulté à concevoir l'autonomie comme action individuelle, posture individuelle, et l'évoquer aussi dans une action collective. À l'intérieur de l'action collective, l'autonomie, elle se doit d'être communicant. Et c'est dans la communication qu'on nourrit la collectivité. Voilà. Alors, collectivité, c'est un terme ambigu aujourd'hui, parce qu'on parle de minorité, etc., ça n'a rien à voir, hein. Disons, dans la société, voilà, ou dans le mouvement, ou dans un ensemble de personnes qui veulent agir ensemble. Bien. Alors, pour avancer, j'ai partagé la proposition, en principe, une proposition, c'est une phrase d'abord, une composition du langage. Mais en termes plus simples, proposition, c'est poser avant, poser pour, donner un sens à son discours. Un discours est utile s'il propose quelque chose. Donc nous devons, quand nous parlons, faire des propositions. Et la proposition est le message dans les langages qui s'adresse et qui envisage la solution d'un problème. La solution d'un problème peut motiver une proposition. Bon, alors cela dit, pour avancer, j'ai fait la séparation entre les problèmes d'ordre idéologique et les problèmes d'ordre pratique. C'était un canevas pour démêler, disons, la difficulté de proposer de façon productive, disons, pas seulement proposition pour la proposition, mais la proposition dans un ensemble. Bon, alors je continue. Les autres qui sont loin peuvent se rapprocher. Khaled, plus proche, s'il te plaît. Ne vous échappez pas pour justifier votre incompétence. Venez tous parmi nous. Nous sommes ensemble, nous sommes en mouvement. Ne vous enfuyez pas par la paresse. Bon, alors, on commence par l'ordre idéologique. Évidemment, dans un mouvement qui fonctionne, dans l'hypothèse qu'il soit fonctionnel, les problèmes d'ordre idéologique et les problèmes d'ordre pratique naissent et se développent et trouvent la solution ensemble. On ne peut pas séparer artificiellement les problèmes idéologiques des problèmes pratiques. Toujours envisager un ensemble, et pas seulement une classification particulière. Bon, donc, du côté idéologique, d'abord il y a le problème de qu'est-ce que c'est une idéologie. Alors là, je renoncerai presque à la définir, parce qu'il y a des niveaux d'idéologie, il y a l'idéologie forte qui s'identifie avec la doctrine. Par exemple, l'idéologie du 19e siècle est une idéologie forte, assez fermée, qui au 20e siècle nous donne le fascisme, le nazisme, et le soviétisme, le marxisme. Ce sont des idéologies fortes. Après, il y a des idéologies faibles, c'est-à-dire tout simplement les côtés pensées, les côtés intellectuels, les problèmes qu'on se pose soi-même. C'est un problème idéologique. Voilà. Bon, je rappelle que en parlant des fortes et des faibles, ce n'est pas moi qui décide et qui je juge. C'est à vous de tirer vos conclusions. Ce n'est pas parce que j'ai fait des énoncés que je prends parti. Loin de moi le parti. C'est ce que je chose que j'aime pas, c'est bien les partis et les choses annexes. Bon, alors continuons. La deuxième question. Question proposition toujours. Le mouvement fait partie du système. C'est la chose sur laquelle je vous invite à réfléchir. Le mouvement fait-il partie du système politique en vigueur en restant dans la traditionnelle opposition? Système d'ailleurs devenu désormais conservateur, même si le mouvement se situe à gauche. On peut se situer à gauche, mais dans le système actuel, si on reste dans le système, on a une conduite conservatrice. Voilà. On veut savoir, le système on considère qu'il faut le détruire, et je ne suis pas d'accord, ou il faut y participer, je ne suis pas d'accord. Bon, donc, nous pouvons continuer. Alors, Ça, c'est dans la deuxième question, les points A, petit A, petit B. Les mouvements décident de sortir du système. C'est une hypothèse, une éventualité. Parce que pour les faire, c'est... les dire et les faire, c'est pas la même chose. Hein. Bon. Positionnement, entre parenthèses, positionnement innovateur et non conservateur. Et sortir du système, c'est une innovation, et donc il n'est pas conservateur, il n'est pas conventionnel, et décide de conduire une action politique pragmatique. S'il y a des mots qui sont trop élevés, hein, vous me dites, hein, mais je cherche d'être là pour vous donner des termes accessibles, et s'ils ne sont pas accessibles, il n'y a pas honte à demander des explications, bien au contraire, ça me perfectionne. Voilà, et je vous en remercie. Bon, donc nous continuons. Alors, les mouvements décident de conduire une action politique pragmatique ayant comme objectif primordial a un double sens, mais les deux vont dans le même sens. Alors, primordial, c'est qui est là depuis l'origine, c'est-à-dire à la naissance du mouvement, à la fondation du mouvement, ce terme, ce concept est déjà inclus. Mais je n'en sais rien, je n'étais pas là. Alors, primordial, objectif primordial, la réalisation d'une démocratie directe. Une démocratie directe, la clarification de l'objectif me semble indispensable. C'est pour cela que j'ai défini mon intervention comme clarification. Donc, je répète, une action politique pragmatique ayant comme objectif primordial la réalisation, c'est-à-dire dans la réalité, réalisation. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas une théorie, ce sont des faits. Réalisation d'une démocratie directe incompatible avec un régime partitocrate. Ce terme, je m'excuse, est peut-être nouveau, mais si vous pensez à parti et vous ajoutez crate, c'est partitocrate, c'est-à-dire les gouvernent deux partis, quels qu'ils soient. C'est pour cela tout à l'heure, je vous ai dit que les partis, j'aime pas. Les partis, c'est toujours des partis pris. C'est-à-dire, une pensée pas ouverte. On peut être sûr quand on veut. Bon, je continue. Un régime partitocrate nourri par l'alternance droite-gauche. L'alternance droite-gauche, ça c'est le gouvernement d'aujourd'hui. Sous l'égide du capitalisme. Voilà, l'égide du capitalisme. Que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il est sous l'égide du capitalisme. Et j'ai fait une petite note que je vais lire. Selon mon avis personnel, auquel c'est très compréhensible que vous n'adhériez pas, ça me donnerait peut-être même du contraire, un caractère plutôt pessimiste dans les prévisions, selon mon avis personnel, il est dans la rébellion intellectuelle, je précise rébellion et non pas révolution, Khaled, hein? J'ai apprécié ton estime. Bon, c'est ironique, on ne t'en fait pas. Alors, selon mon avis personnel, il est dans la rébellion intellectuelle, je dis rébellion, non pas révolution, la rébellion intellectuelle au système actuel, vient de plus de 200 ans, et désormais obsolète. Que nous voulons trouver la meilleure raison d'être de notre mouvement. Voilà. Ça, c'est le côté idéologique. Maintenant, il reste. Et il est moins enthousiasmant, mais peut-être c'est préférable et plus accessible, bien que complexe, comme d'habitude. Quand je parle, bon, et je m'en excuse. La question, premier point, les principes de transparence doivent s'appliquer dans la relation entre les membres du mouvement. La liberté de parole est absolue ou relative? Voilà, ce sont des questions. Est-ce que c'est clair? Je le répète, Daniel. Et Adèle. Adèle. Je le répète. Hein? Bon. Alors, les principes de transparence, je l'évoque parce que je l'ai entendu parler sur la place, et donc je l'évoque. Hein? Doit s'appliquer uniquement dans les relations avec le public, aussi dans les relations à l'intérieur. Disons, j'ai fait une distinction entre les relations extérieures et les relations intérieures. Peut-être que dans les questions, il y a les réponses. Et après, la liberté de parole est absolue ou relative? Pour ce point, qui peut apparaître superficiel, j'attends beaucoup de vos questions. Puisqu'à l'intérieur de cette liberté de parole, j'inclus la liberté d'expression. Khaled, il est devenu sourd complètement. Khaled, présent, on dit présent. Khaled, je crois que tu y tiens à la liberté d'expression. Tu réponds pas? Drôle de débat. Bon, avançons. Excuse-moi de mon agressivité sournoise. Bon, alors, deuxième ou troisième, je ne sais plus, question. Le niveau du langage est libre ou dans la limite de la respectabilité? Alors là, je parle en bourgeois que je suis. Parce que je ne suis pas trop d'accord avec certaines expressions. C'est dommage qu'il n'est pas là, la personne visée, mais ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mais je fais l'exemple que dans une conversation, dans une commission, à un certain moment, j'entends comme dans la télévision, comme dans la radio, quand on interviewe des footballeurs ou d'autres sportifs ou même des romanciers, etc., on fait recours à des petites phrases convenues qui aident à avancer le discours. Hein? Mais des fois, ça me fait rire parce que quand on dit « je m'en bats les couilles », hein, à la fin de l'intervention, je me demande qu'est-ce qu'il en reste. Si sa femme elle est au courant, ou au moins qu'il ne les a pas, alors il peut les faire comme il veut. Voilà. Je préfère un niveau de langage un peu plus, je dis pas recherché, pas d'élite, pas d'un ton élevé, terre à terre, mais disons en respect de soi-même et des autres, puisque Daniel m'a demandé d'intervenir sur ces thèmes, hein, les respects. Oh là là, mais sois. Adèle, sois plus en colère. Avec moi, je suis têtu, tu sais, c'est dur, hein. Tu vas m'enlever le défaut difficilement. C'est Adèle, oui, Adèle. Mais. Adèle, alors, tu me dis ce que ça veut dire Adèle, peut-être que ça resterà dans ma tête. Ah oui, mais ça c'est historique, c'est pas le sens du nom. Bon, je chercherai pour toi, je te le promets, et là, j'oublierai pas. Mais c'est ça, bon. Autrement, je parlerai dans le vide. Comme ça, lui, au moins, il écoute. Il n'y en a pas qui... Bon, continuons. Donc, les niveaux du langage libre ou dans les limites de la respectabilité. C'est clair? Claircissement, comme tu sais. Bon. Attends, j'ai fait des amens. Je vais passer les amens. Voyons. J'ai oublié le nom. C'est terrible. Sylvain, c'est la sylve. La sylve, c'est la forêt presque vierge, mais c'est différent. C'est une forêt de la Méditerranée, pas tropicale du tout. Hein. Mais la sylve, qui vient de l'italien, qui vient du latin, et qui est au français peut-être directement, hein, est la sylve dans laquelle un certain Dante, je ne sais pas si tu connais, oui, il débute sa perdition. Il débute sa perdition en rentrant dans une forêt qui appelle la sylve. Hein, voilà. Donc ça, je souviendrai. S'il n'y a pas de relation avec un fait, ma mémoire ne vaut rien. Voilà. Bon. Alors, excuse-moi, Adèle. Ah, Khaled. Après, je vais te demander, si tu n'as pas me questionner, je serai vexé. Franchement. Bon. Oh. Je sais qu'il va venir. Il fait semblant de ne pas écouter. Il m'attend à la fin. Ah bon, allez, allons. Alors, définir. Alors ça, c'est une proposition de l'ordre pratique. Définir si la relation entre les membres doit respecter le principe d'horizontalité. Je n'ai parlé avec Daniel qui m'a dit qu'effectivement, peut-être il faudrait revoir la position. Voilà. Alors, le principe d'horizontalité que j'ai appris sur la place, entre autres, je peux vous dire, elle m'a appris énormément de choses. Et j'invite les gens de passage à venir visiter et passer un bon moment sur la place, parce que sur la place, surtout de la République, on apprend beaucoup de choses, beaucoup. Moi j'ai appris énormément et je peux vous dire que depuis que je la fréquente, je ne suis plus le même. Je ne dis pas que je suis allé jusqu'au point d'être républicain, mais quand même. Bon, continuons. Ce principe me semble, opinion personnelle, impossible à respecter dans un ensemble organisé. Et puisque j'ai eu le plaisir presque de participer à organisation et coordination, c'est un nom très recherché, parce que l'organisation, s'il n'y a pas la coordination, ce n'est pas une organisation. Et la coordination, sans l'organisation, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, ça n'empêche que la préparation que j'avais faite de cette intervention qui n'a pas eu lieu, je peux la faire encore, c'est jamais trop de répéter. Hein? Ça me permet d'apprendre. Hein? Voilà, on continue. Ou accepter une verticalité. Alors là, c'est pas clair, hein? Horizontalité, verticalité, surtout que c'est que deux dimensions et l'espace a besoin de trois. Voilà. Alors je me demande ces systèmes où on va les mettre. Bon, mais on va trouver une solution, parce que à tout problème il y a une solution. Quand il n'y a pas de solution à un problème, il ne faut pas donner la faute à celui qui a formulé. Hein? C'est trop facile. Ah, le problème est mal posé. Voilà. C'est mal posé. Un problème sans solution, c'est mal posé. La troisième dimension, un cube. Tu es d'accord ou tu contestes? Ah, mais alors, t'es destructif. T'es destructurant. T'es pas constructif. Eh oui, mais forme dans les faits réels, un cube, sans trois dimensions. Dans le dessin, tu peux le faire. Mais si tu veux le faire dans la réalité, tu recours à trois dimensions. L'auteur, la largeur et la profondeur. D'accord? Voilà. Bon, alors je vois qu'ils s'en vont, je les ai fait peur, je les ai fait peur. Bon, moi je continue, il y a des fidèles, il n'y a pas Cadel. Bon. Alors, voilà. Alors, cette verticalité, c'était une verticalité, spontanément consensuelle. C'est-à-dire, non pas une verticalité structurelle, mais seulement dans les moments. Voilà, qui vit dans les moments épisodiques. Qui n'est pas règle de conduite, mais qui est règle de travail en commun. Voilà. Parce que on ne peut pas ignorer les rôles que chacun de nous, je dis chacun de nous, quand je dis chacun de nous, je dis tous, ceux qui sont là à m'écouter et les autres qui ne m'écoutent pas, il est parti pour se mettre au repas. C'est vrai. Nous avons un rôle dans la société et pas seulement dans la société. Mais ça, j'espère l'occasion d'y revenir. Je vais appeler cette verticalité non conventionnelle une fluidité des rôles, une relation fluide. Voilà. Bon, alors, je crois que j'ai terminé. Ah non, pas tout à fait, pas tout à fait. J'ai encore effectivement. Je n'ai pas la copie au propre, mais je peux la servir aussi. La proposition, puisque Adèle m'a demandé de proposer, attention, parce que c'est risqué, hein, il y en a des mauvaises, pas que des bonnes. Bon, alors, des objectifs. Là aussi, pour me faciliter le travail, j'essaye d'être méthodique, suivant votre... Cher père, je suis un père de la pensée française qui nous parle des méthodes. Adèle, hein? Descartes, voilà. Dans mon langage cartésien. Cartésius. Bon, alors, donc la méthode m'implique un binaire, c'est-à-dire séparer toujours, commencer par deux, un à droite et un à gauche. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la nature. Bon, d'après le corps humain, pas seulement humain. On peut continuer. Donc il y a des projets permanents et des projets à court terme. Un projet se caractérise par le temps, dans les cas présents, dans le temps et sa fonction. Un projet permanent que je suggère, puisque depuis que je suis venu ici, je n'arrête pas de le répéter, et Adèle en sait quelque chose. Quel est ce projet permanent? Vas-y, Adèle. On se connaît depuis un moment. Hein? Alors, Sébastien sait peut-être. Alors, bon, j'y reviens, bien que vous l'avez déjà entendu il y a 5 minutes, la pédagogie que chacun de nous, chacun de vous, nous doulez l'un à l'autre, et non pas du haut vers le bas, plutôt du bas vers le haut, ou encore mieux, à l'horizontale. Voilà, vous qui l'aimez tellement, d'accord, vous m'avez appris, et je vous en remercie. Bon. Donc, après je reviendrai pour expliquer qu'est-ce que c'est ce projet pédagogique. À côté d'Israël, je mets les projets à court terme, c'est-à-dire les projets événementiels, un terme très à la mode, événementiel. Hein? Ah, mais je m'arrête pile, tu me dis arrête-toi, je m'arrête. Bon, je termine quand même, merci. Alors, après tu me donneras dans une autre commission un peu plus tard. À possibilité d'intervenir. Bon. Et donc, il assure la visibilité du mouvement. La visibilité du mouvement, ça sera faite par des événements et j'invite tous les gens présents à ne pas oublier que peut-être sur cette place nommée de la République, il y aura des événements grâce au mouvement N2, c'est-à-dire Nuit Debout. Et avec ça, je termine. À vous les questions, s'il vous plaît. Je vous rends le micro. Moi, j'ai une question, Ulysse. Je t'avoue que pour un truc sur la clarification, j'ai pas tout compris. Mais au départ, tu as juste parlé de membres de Nuit Debout. Et moi, ça m'embête un peu que tu dises membres, parce qu'il n'y a pas de membres pour moi à Nuit Debout. Ce membre, ça fait parti politique. Réponse parfaite et critique soulignée. J'y reverrai ma copie. Voilà. Mais tu vas m'aider. Tu vas me suggérer un terme meilleur. Et je te fais confiance. Un terme qui manque. Bah pour moi, il n'y a pas de membre, quoi. Voilà. Nuit Debout, c'est des citoyens, donc des citoyens. Je suis d'accord avec toi que c'est des citoyens, surtout que ces mots vous viennent de ma langue. Hein? Et vous avez enrichi, puisque citadin en italien existe comme terme unique, citadin. Et vous l'avez enrichi puisque vous avez fait citoyen, hein? Que ça a été assumé par la révolution. Voilà. Donc, membre. Pour moi, c'est participation active. Voilà, participation active. Les autres qui ne font pas partie du mouvement, ils participent par leur présence. Si ils posent leurs questions, ils seront baptisés membres. Et ils n'entendent pas là-bas. Hein? Ils seront engagés en tant que membres. Ça ne leur coûte rien. On ne leur demande pas de s'inscrire. Ils seront inscrits d'office. Ils seront considérés membres à part entière. Hein? Pas actionnaires. Pas besoin. Voilà. Pas départ. Voilà. Est-ce que tu me comprends mieux? Oui. Voilà. Okay. Alors, je me considère membre. Mais si vous me préférez lambda, pourquoi pas. Voilà. Alors, il prend des notes. Alors, plusieurs points. Comment? Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mets-toi à l'aise, Ulysse. La mise en condition, c'est quelque chose. Hein. Je t'en prie. Bon alors, j'ai 5 points. Pour rebondir sur les tiens, ça va peut-être favoriser la clarification. Non, j'en ai 5 pour l'instant. Alors la première, c'est une question. Tu parles de principe de transparence. Qu'est-ce que c'est? Je sais que tu prends des notes, donc comme ça, je vais te dire tous mes points. Voilà. Donc tu as parlé aussi de liberté de parole, d'expression, totale ou limitée. Je dirais que la liberté d'expression est totale, parce qu'on peut parler de tous les sujets, mais par contre la liberté de parole est limitée par rapport au temps des autres, pour que chacun puisse prendre la parole. Donc, en gros, la parole est limitée dans la forme, mais pas dans le fond. C'est plus simple peut-être comme ça. Non. Libre dans le fond, c'est-à-dire au niveau de l'expression, on peut parler de tous les sujets, mais limité dans la forme, pour que tout le monde puisse justement participer. Donc, troisième point. Voilà. Par rapport à la façon de s'exprimer, le vocabulaire employé, ce que tu as appelé aussi le niveau de langage. À chaque fois, je pense qu'il faut viser la compréhension. Donc, oui, mais faut peut-être que je t'explique ce que j'entends par compréhension. La compréhension, c'est un petit peu large. D'accord. C'est parce que on peut prendre deux niveaux de langage un petit peu opposés. On va dire celui qui est du côté des insultes, et à l'autre bout, celui qui serait du côté d'une pensée purement avec des concepts, où la personne d'ailleurs très souvent ne sait même pas ce qu'elle dit elle-même en utilisant ses concepts, ça c'est mon point de vue critique, et qui en fait n'est accessible à personne. Donc, entre les deux, on peut utiliser des concepts à partir du moment où on peut les définir aussi avec des mots simples. Et comme ça permet de se rendre compte aussi que la personne qui utilise les concepts sache ce qu'il y a dedans. Bon, par rapport aux insultes, là aussi c'est donc compréhension, pour être compris par l'autre, l'insulter ça marche pas très bien quoi, et le respect. Donc je dirais, voilà, pour la façon de s'exprimer, compréhension et respect. Pardon ? La visée du message et la compréhension de l'autre, tout à fait. Donc, quatrième point. Par rapport à... Alors ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant, ça. La question horizontalité-verticalité étudie une troisième dimension. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Et profondeur-perspective. Mais c'est ça le point principal sur lequel on doit travailler ici. On s'en fout de l'horizontalité et de la verticalité, quoi. Alors l'horizontalité pour l'organisation, disons... Alors l'horizontalité, ça peut être en effet dans l'organisation, dans la prise de parole, dans tout ce qui a été dit avant. La verticalité, ça peut être, comme tu le disais, de façon passager, exemple, lors de la prise de décision. Mais par contre, la profondeur et la perspective, c'est ça qui doit être permanent. Enfin, toujours au travail. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Je dis mon dernier point et puis après je te passe le... Alors, moi j'aime pas du tout Descartes. Hein. Je sais que il est déjà c'est normal parce qu'il fait partie des fondateurs de la science et j'aime pas la science non plus. Donc bref, penser en termes binaires, c'est oublier le tiers exclu. Donc je m'explique. Penser en termes binaires, dire il y a un point, un autre point, et on part de ces deux points-là pour se diriger, bah on peut toujours que rebondir de l'un à l'autre. Alors que si on pense qu'il y a, moi je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de penser toujours à partir de trois termes. Parce que déjà, ça circule. Sinon, ça ne circule pas. Et c'est justement dans la troisième dimension que ça se passe, au niveau de la profondeur. Si on n'est que dans deux termes, on ne pourra pas aller dans la perspective et la profondeur. Voilà, j'ai fini mes cinq points. J'espère que c'était clair. Comment ? Non, c'est le tiers exclu. Oui. Oui, penser en termes binaires, c'est le tiers exclu. L'homme au micro. Il s'est sauvé lui aussi. Ils sont tous pères, ma bonne. Qu'est-ce qui est passé ? Non, parce qu'il pouvait intervenir. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Didier, oui. Tu voulais intervenir? Non, non. 10 minutes, tu parlais avec Adèle. Non, ça va, t'as dit. Alors, Adèle, Je suis d'accord sur toutes les questions que tu as posées, même très bonnes questions. Je vous remercie, hein, comme ils disent partout. Bon, mais c'est de la provocation, puisque là tu m'obliges à une contribution, une participation, hein, une intervention longue. Et alors après tu vas dire que je monopolise la parole. 5 points et tous les uns plus intéressants que les autres. Hein? Bon, j'ai essayé de répondre par oui ou non. Si c'était des questions, ça aurait été plus facile. Donc, liberté, principe de trasparence. Le principe de trasparence se pose dans le sens qui est subjectif. La trasparence est subjective, ce qui pour nous est transparent, pour l'autre est confus. Donc, il faut être très prudent dans la transparence. Si on fait une gradation de la transparence, on peut partir de l'obscène jusqu'au pudique. Hein? Mais là, évidemment, on tratte de la trasparence de l'action. Hein? La trasparence de l'action, c'est un risque à prendre. C'est courageux, je suis d'accord pour le prendre, dans le respect réciproque, dans le réciproque. C'est important, puisque implique l'oubli de la peur, le courage. Il n'y a que des aspects positifs, mais aussi, dans un combat politique, implique la naïveté. Et être naïf en politique équivaut à être en situation mortelle. Voilà, il ne faut pas s'exposer. Donc, va approfondir. C'est un problème de fond difficile à liquider. Et comme tout ce qui est difficile, avec ton système trinaire, peut-être on va le résoudre. Bon, on passe au point 2. La question, la deuxième question. Parole libre dans les fonds, limitée à la durée. Alors, je crois que ça fait partie de la même question, niveau de langage, compréhension, acceptabilité, et c'est là que je diverge et que je me trouve en opposition avec des personnes que j'estime et je pense qu'ils continuent à m'estimer quand même, que c'est là le noyau du débat philosophique. Je précise, je ne suis pas philosophe, je précise, je ne suis pas écrivain, je n'ai rien écrit, à part ces notes. Je cache peut-être l'idée. Et je ne suis pas non plus, comme dit la chanson, capitaine. Qu'est-ce qu'elle dit à la chanson? Je ne suis pas capitaine. Adèle. Madame. Moi qui je ne suis pas capitaine sur le joupon de l'aine. De j'ai tu beaucoup sais? De choses à dire, monsieur. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire. Ah, d'accord. C'est possible que je dise un, deux, trois mots. Attendez. Allez. Je vais vous donner la parole. Okay. C'est dommage que je ne vous ai pas vu. Si vous vous mettiez là, vous me faisiez un signe non, et moi, stop! J'ai deux mots à dire, juste deux non, mots. Attends, attendez, on va préciser les deux mots que vous allez dire avant de nous les dire. Okay. Voilà, alors vous me les dites déjà, mais non. Vous ne les dites pas. Okay. Vous avez compris, hein? D'accord, je vous fais confiance, je vous confie. Confiance, vous inquiétez pas. Voilà. Ah, ok. Walid. Walid, Bendo na Bendo, Avivi. Bendo na Bendo! Avivi! Bendo na Bendo! Moi, ce que je... Parce qu'il y a toujours un reproche. Ce que je reprocherais au mouvement punk, c'est de s'être effacé. Alors que, à cette époque-là, les années 80, c'est des squats partout. Une vie